J'ai rencontré Vanda, une fille plutôt bizarre qu'elle est même jeu que moi. Quand elle arrive le soir avec son slip en zingue, moi je lui saute dessus en barrant comme un dingue. Elle me crie pas les pattes, oui pas les pattes. C'est le seul défaut qu'elle a, mais elle l'a. Je dis j'ai rencontré ma voisine de palier qui sortait de chez elle à cause du panthé. Yeah.